Chapitre 16e. Et maintenant, 15 ans après, il pouvait évoquer tous ses souvenirs avec une profonde et magnifique tranquillité. Il n'était pas malade, cela va de soi, un peu fatigué seulement par moments, avec quelques troubles respiratoires durant les mois d'hiver. Il ne voulait pas s'en aller à l'étranger. Il avait essayé une fois et avait eu la malchance de tomber sur la Riviera dans une de ces périodes de froid auxquelles on a grand soin de ne pas faire de publicité. « Je préfère attraper mes rhumes dans mon pays », disait-il volontiers après cela. Il était obligé de prendre des précautions par les vents d'Est, mais l'automne et l'hiver n'étaient en somme pas si terribles. On faisait de beaux feux, il y avait les livres et on pouvait penser d'avance à l'été. C'était bien entendu la saison qu'il aimait le mieux. Sans parler de la température qui lui convenait, il recevait constamment des visites d'anciens élèves. À chaque week-end, quelques-uns d'entre eux venaient à Brookfield en automobile, et ne manquait pas d'entrer chez lui. Il le fatiguait quelquefois, quand ils étaient trop nombreux à la fois, mais cela lui était égal. Il pouvait toujours se reposer et dormir ensuite, et leur visite lui faisait plaisir, plus de plaisir que tout ce dont il pouvait encore jouir en ce monde. « Eh bien, Gregson, je me souviens de vous. Toujours en retard pour tout, hein, pas vrai? Vous serez peut-être en retard quand il s'agira de vieillir, comme moi, n'est-ce pas ?» Et quand ensuite il se retrouva seul et que Madame Wickett venait enlever le plateau du thé, il disait « Madame Wickett, c'est le jeune Gregson qui est venu me voir. Vous vous souvenez de lui, n'est-il pas vrai? Un grand garçon qui portait des lunettes, toujours en retard. Il impose à la Société des Nations, où j'imagine sa lenteur ne se fera pas remarquer, hein ?» Quelquefois, lorsque la cloche sonnait l'appel, il allait à la fenêtre et, regardant à travers la route et par-dessus la clôture de l'école, il voyait de loin la mince ligne des élèves défilant devant le banc. Nouvelle époque, nouveau nom, mais il en restait toujours des anciens. Jefferson, Jennings, Jolyon, Jupp, Kingsley Primus, Kingsley Secundus, Kingsley Tertius, Kingston. Où êtes-vous tous? Qu'êtes-vous devenus? Madame Wickett, apportez-moi, je vous prie, une tasse de thé, juste avant l'étude. Les 10 premières années de l'après-guerre s'écoulèrent dans un fracas de changements et d'arrangements précaires. Chips était, tout ce temps-là, profondément désappointé en jetant ses regards au-delà des frontières. La Roure, Chanak, Corfou. Il se passait dans le monde assez d'événements pour vous inquiéter. Mais près de lui, à Brookfield, et même en un sens plus étendu, en Angleterre, il y avait quelque chose qui lui réjouissait le cœur, parce que c'était ancien et que cela avait survécu. Il considérait de plus en plus le monde comme un immense chaos pour lequel l'Angleterre avait fait assez et peut-être trop de sacrifices. Mais il était content de Brookfield. L'école était solidement bâtie sur des fondations qui avaient résisté à l'épreuve du temps, des changements et de la guerre. C'était curieux à quel point, en ce sens plus profond, elle avait peu changé. Les élèves étaient mieux élevés, il n'était plus question de brimades, mais on jurait et on rusait davantage. Les rapports entre maître et élève étaient plus franchement amicaux, avec des manières moins imposantes d'un côté, moins insinuantes de l'autre. Un des nouveaux professeurs, Frey Mouloud d'Oxford, permettait même à la 6e de l'appeler par son prénom. Chips n'allait pas jusqu'à approuver cela. Au fond, il en était même légèrement choqué. Il pourrait aussi, dit-il à quelqu'un, signer ses rapports de fin d'année. Affectueusement à vous, pourquoi pas, hein? Pendant la grève générale de 1926, les élèves de Brookfield chargèrent des camions automobiles de denrées alimentaires. Lorsque ce fut fini, Chips éprouva une émotion comme il n'en avait pas connue depuis la guerre. Un événement s'était produit, un événement dont il restait encore à apprécier la suprême signification, mais une chose était claire, l'Angleterre était redevenue maîtresse chez elle. Et lorsque cette année-là, à un concours d'éloquence, un visiteur américain insista sur les sommes énormes que la grève avait coûtées au pays. Chips lui répondit « Oui, mais la propagande est toujours coûteuse. La propagande, mon Dieu! Est-ce que ce n'a pas été de la propagande? Et une fort belle propagande encore? Une semaine entière de grève, et qui n'a pas causé une mort. Pas un coup de feu de tiré. Chez vous, on aurait versé plus de sang pour faire une descente de police dans un seul débit de boisson. » Des rires, des rires. Partout où il allait, et quoi qu'il dit, c'était des rires. Il avait acquis une grande réputation de diseur de bons mots et on en attendait de lui. Chaque fois qu'il se levait pour parler dans une réunion, ou même quand ils causaient à la table d'un dîner, les auditeurs se préparaient à entendre des plaisanteries. Ils écoutaient, l'esprit disposé à s'amuser. Aussi était-il aisé de les satisfaire. Ils riaient même quelquefois avant que la pointe ne fût lancée. « Le vieux Chips était en pleine forme, » disait-il ensuite. « Il a une façon merveilleuse de voir toujours le côté comique des choses. » À partir de 1929, Chips ne quitta plus Brookfield, pas même pour les dîners d'anciens élèves à Londres. Il redoutait les refroidissements et cela commençait à le fatiguer trop de veiller tard. Néanmoins, quand il faisait beau, il traversait la route pour aller à l'école et il continuait à recevoir continuellement et largement chez lui. Ses facultés n'avaient nullement baissé et il n'avait aucun souci personnel d'aucune sorte. Ses revenus suffisaient largement à ses besoins et même au-delà. Et son petit capital, placé en titres dorés sur tranche, n'eut pas à souffrir de la crise. Il donnait beaucoup de son argent à des gens qui venaient lui raconter leur malheur, à diverses œuvres soutenues par Brookfield, et aussi à l'école entretenue par Brookfield à Poplar. En 1930, il fit son testament. En dehors de legs à cette école et à Madame Wickett, il laissa tout ce qu'il possédait pour fonder une bourse d'entrée à Brookfield. 1931-1932. Que pensez-vous de Hoover, monsieur? Croyez-vous que nous revenions jamais à l'étalon or? Quelle est votre impression sur la situation générale, monsieur? Voyez-vous une éclaircie? Quand la marée va-t-elle tourner, Chips, mon vieil ami? Vous devriez le savoir, avec l'expérience que vous avez acquise. Tout le monde lui posait des questions comme s'il était une sorte de prophète et d'encyclopédie à la fois. Plus même que cela, car on aimait que la réponse fût accommodée en forme de plaisanterie. Il disait par exemple... « Eh bien, Henderson, quand j'étais beaucoup plus jeune, il s'est trouvé quelqu'un pour... promettre aux gens 9 pence pour 4 pence. Personne ne les a jamais eus que je sache, mais nos gouvernants actuels me paraissent avoir résolu le problème de donner... 4 pence pour 9. » Rire. Quelquefois, lorsqu'il circulait dans l'école, de petits élèves, parmi les plus effrontés, l'interrogeaient, uniquement pour le plaisir d'avoir à raconter la dernière de Chips. « S'il vous plaît, monsieur, que pensez-vous du plan de 5 ans ?»« Monsieur, croyez-vous que l'Allemagne veuille encore faire la guerre ?»« Êtes-vous allé au nouveau cinéma, monsieur ?»« J'y suis allé l'autre jour avec mes parents. »« C'est une salle vraiment épatante, pour un petit trou comme Brookfield. »« Ils ont un Wurlitzer. »« Ah, et que diable est-ce qu'un Wurlitzer ?»« C'est un orgue, monsieur, un orgue pour cinéma. »« Grand Dieu !» J'ai lu ce nom-là sur des affiches. Mais j'ai toujours imaginé que ce devait être une sorte de saucisse. Éclat de rire. Oh, dis donc, il y a une nouvelle blague de Chips, une absolument délicieuse. Je bavardais avec le vieux bonhomme sur le cinéma, et alors...